À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée et de la journée du Sungun, le séminaire sur les exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un a eu lieu le 11 courant au Cercle d'études des études jetées à Franconie, Allemagne. Le chef du cercle a exalté les exploits de libération de la patrie et de la direction de la révolution du Sungun des grands leaders. Ensuite, il a indiqué que grâce au maréchal Kim Jong-un, la Corée brille comme puissance socialiste souveraine, indépendante et autodéfensive, selon le vœu des grands leaders. Par ailleurs, à l'occasion des 71 ans de la libération de la Corée, la conférence a eu lieu le 10 courant à la compagnie générale Kikopres de Guinée.